par l'ivresse, pulsation infinie en cette terre de liesse. Toi, forêt en ta chair, mon âme tu nourris dans un rire prospère. Ma flamme grandit. Sommeil.